Chapitre 11e, l'Osteria delle Infanti. Il y avait déjà nombreuses sociétés à l'Osteria quand les jeunes peintres arrivèrent. Le vin doux ou aigrelet, vino dolce e sasculto, que le soleil italien faisait mûrir sous les coteaux d'Orvieto et de Montefiascone, pétillait à toutes les tables, versé dans de larges coupes écumantes. Toutes les langues étaient déliées, et le maître de l'Osteria ne savait trop quel entendre dans ce chaos d'ordre et d'interpellations contraires qui se croisaient dans les airs à son adresse de tous les points de la salle. Au milieu de ce bruit, on distinguait aisément Giacomo. Assis à une table éloignée, il causait à voix basse avec quelques amis, peintres ou sculpteurs pour la plupart, de la fête prochaine de Baccano. Il y avait comme une démarcation involontairement tracée entre lui et les autres habitués de l'Osteria. C'était le type pur de l'Italien de Rome. Une magnifique barbe d'un noir d'ébène encadrait sa mâle figure, et de longs cheveux tombaient avec négligence sur ses épaules. Sous le bas de soie qui les couvrait, on eût pu compter les muscles de sa jambe fine et robuste, et cette jambe laissait deviner pour tout le corps des formes taillées sur le modèle de l'Apollon antique. « Ainsi, disait un de ses amis à Giacomo, tu crois être sûr de ta saltarella ?»« Tu vas voir, répondit Giacomo, je vais l'essayer tout à l'heure, et toi-même seras juge. » D'abord, la musique en a été écrite exprès pour moi par un moine de mes amis auquel j'ai fait don d'une copie de la Madone au raisin. Sa musique est très belle. Ah, c'est un moine qui va te faire danser. Ne raille pas, Calcar. Les moines sont plus forts que nous là-dessus. Quand ils s'en mêlent, ils apprennent et font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'autre occupation. Eh bien, nous verrons. Vous verrez si bien qu'à l'instant même, je vais vous la danser. Hola, hôtelier. Donne-moi cette mandoline qui s'ennuie à son clou contre la muraille. L'hôtelier obéit. Et Giacomo pinçait déjà les cordes de son instrument quand Paolo entra avec Antonio Banozzi, son nouveau compagnon. « Tu arrives à propos, » lui dit Giacomo, « un instant de plus, et je commençais sans toi. » Les deux amis se serrèrent les mains, et pendant que Giacomo s'emparait du milieu de la salle, Paolo et Antonio Banozzi s'asseyaient à la place abandonnée par le danseur. Aux premières notes arrachées à la mandoline par la main habile de Giacomo, toutes les conversations cessèrent. On oublia de vider les verres. Toutes les têtes se tournèrent vers le danseur, et pas un œil ne perdit un seul de ses mouvements. Lui, cependant, tournait et bondissait avec une agilité merveilleuse. Son pied avait à peine touché le sol que déjà, il s'élançait de nouveau dans les airs, décrivant ces mouvements gracieux inventés par la danse méridionale. Et le son strident de la mandoline marquait la mesure et indiquait au danseur s'il devait ralentir ou précipiter ses pas. Une fièvre s'était emparée de Giacomo. Sous la double émotion de la danse et de la musique, sa tête oubliait tout ce qui l'entourait, et son corps se penchait amoureusement, comme s'il eût voulu déposer furtivement un voluptueux baiser sur les lèvres de quelque paysanne de Subiaco ou de la Storta, venue avec lui à la fête pour rendre jalouses les jeunes filles de Baccano. Aux dernières mesures, il mit une telle furie dans son agilité, il arracha tant de notes rapides à son instrument, les suivant au vol de sa danse impétueuse, que les applaudissements n'attendirent pas qu'il eût fini. Ils éclatèrent à la fois dans toute la salle, et les bruns mariniers du timbre se précipitèrent autour de Giacomo pour le complimenter et le remercier des plaisirs qu'il leur procurait à l'heure où l'on se délasse des rudes travaux du jour. Ses amis attendaient le danseur la coupe pleine, et quand il les rejoignit, Antonio, lui présentant la sienne, lui dit « Ami, ta danse ferait tourner la tête la plus ferme. Quelle fille ne serait heureuse de mêler sa danse à la tienne? Bois, et que Dieu te protège dans tes amours. » « Qu'il nous protège tous, » répondit Giacomo en s'inclinant avec grâce, et d'un seul trait, il vida la large coupe qui lui était offerte. Un instant après, les conversations avaient recommencé à l'Osteria degli Infanti. C'est dans ces entretiens du soir que volontiers se font les confidences intimes de l'amitié. Sous la légèreté apparente d'une causerie frivole, le cœur se dévoile, et dans ces épanchements laisse échapper ses plus secrètes pensées. L'heure de nuit est favorable à ces révélations, que les préoccupations constantes des travaux quotidiens empêcheraient souvent d'écouter et de comprendre au grand jour. Autour de Giacomo, les artistes, ses amis, débattaient une thèse amoureuse, cet éternel objet des méditations et des causeries italiennes. « Pour moi, disait Antonio Banozzi, je ne comprends pas qu'un obstacle quelconque puisse empêcher de se rapprocher et de se réunir deux cœurs qui s'aiment. L'amour est notre seule vie, et quand il est entré dans nos cœurs, nous devons tout oublier pour ne plus écouter que ses inspirations. Antonio aurait raison, répondait Paolo. si deux cœurs s'enflammaient en même temps d'une égale passion. Mais de l'amour tel que nous le faisons, n'arrive-t-il pas presque toujours qu'un seul aime pendant que l'autre se contente d'accepter, de tolérer l'amour qu'on ressent pour lui? Tu dis vrai, Paolo, il en est ainsi souvent, mais crois bien que le cœur aimant possède une vertu secrète qui parvient toujours tôt ou tard à faire partager ses ardeurs. Libre-toi, Antonio, de garder tes jeunes illusions. Quant à moi, je les perds chaque jour. Qu'appelles-tu des illusions de jeunesse, Paolo, et pourquoi te poses-tu en vieillard? Dieu me garde de me croire un vieillard, mais ce que tu disais tout à l'heure me paraît un rêve. Tu ne crois donc pas la puissance attractive de l'amour? Non, Antonio. Et la preuve, c'est ce que nous avons vu ce soir. Y a-t-il au monde un homme plus digne d'être aimé que Raphaël? Eh bien, il a fallu un ordre du Saint-Père pour que la fornarine vînt dans sa maison du Bourg-Neuf. Elle connaissait cependant l'amour ardent qui brûlait le cœur de notre illustre maître. Elle avait vu ses larmes et ses supplications, et son cœur avait résisté. Antonio ne répondit rien à ces dernières paroles de Paolo. S'il lui parlait, sa voix eût trahi l'émotion intérieure qui précipitait les battements de son cœur et brûlait le sang dans ses veines. Sans le savoir, Paolo avait si brutalement posé la main sur une blessure saignante qu'Antonio resta quelques instants vaincu par la douleur. La réflexion aidant, il reprit promptement son calme et dit « Ainsi tu crois, Paolo, que la fornarina n'aime pas notre maître Raphaël ?»« Ah, qui sait ?» dit Paolo. « La bouche de l'homme ne peut jamais parler de ces choses et affirmer qu'elle est dans la vérité. Peut-être, à cette heure, la fornarina, qui n'aimait pas Raphaël ce matin, est-elle folle d'amour pour lui ?» « Tes lèvres sont sages, Paolo, quand elles s'expriment ainsi, » dit tout à coup Giacomo, qui jusque-là avait gardé le silence en prêtant une oreille attentive à la conversation des deux amis. « Le cœur de la femme est un livre immense, dont nul homme ne connaîtra tous les feuillets. Celui qu'on retourne aujourd'hui ne ressemble jamais à celui qu'on a retourné hier, à celui qu'on retournera demain. » « On m'a conté à Venise, » reprit Antonio, « dans un atelier que j'ai fréquenté pendant quelques mois, avant de venir à Rome, une histoire qu'il faut que je vous dise, c'est une histoire d'amour. Nous l'écoutons, Antonio, » dirent tout d'une voix les jeunes compagnons. Une femme, distinguée par sa naissance, sa richesse et son éducation, jeune et belle, aimait un artiste qui était le plus beau et le plus illustre de tous ceux de son temps. Elle était mariée et appela l'artiste chez elle, sous un prétexte quelconque. Les prétextes ne manquent jamais. L'artiste ne vint pas, alors elle s'enfuit de sa maison, emportant son or et ses bijoux qui lui faisaient une richesse considérable. Elle dépouilla ses habits et revêtit le costume des cavaliers, et de la sorte, elle pénétra jusqu'à l'artiste, toujours sous des prétextes inventés pour le service de sa passion, et enfin le vit journellement. « Que pensez-vous qu'il en advint ?»« Nous ne savons. Achève, Antonio. Si tu nous fais deviner, ce ne sera plus une histoire. » L'artiste ne devina point le cœur qui se repaissait d'amour à ses côtés. Il aima une autre femme, comme lui seul savait aimer, c'est-à-dire avec toute son âme, n'ayant pas une pensée qui ne fût pour cette femme heureuse. Et celle-ci ne l'aimait guère, si toutefois elle l'aimait, car elle le fit longtemps attendre et ne le suivit enfin que pour ainsi dire contrainte et forcée. L'autre femme, cependant, ignorait tout ce qui se passait autour d'elle. Elle apprit en même temps l'amour et le triomphe de l'artiste, à l'heure habituelle où elle le voyait chaque jour. La jalousie, une jalousie qui n'aurait reculé devant rien, entra soudain dans son cœur. Mais comme elle aimait réellement l'artiste, elle se retira sans avoir rien résolu. Et que fit-elle ensuite? Demandèrent en cœur tous les compagnons. Ce qu'elle fit, je ne le sais pas. Quand j'ai quitté Venise, l'histoire durait encore et attendait son dénouement. Tu nous railles, Antonio. Ce n'est pas une histoire que tu nous as contée, c'est une énigme. Eh bien, devinez-la. Qu'auriez-vous fait à la place de la femme jalouse? Est-ce que nous savons? Nous ne sommes pas des femmes, nous. Et ce qui se passe dans leur tête et dans leur cœur, quand elles sont amoureuses et qu'elles ont des rivales, elles seules pourraient le dire. Pour moi, dit Paolo, je crois que la femme déguisée n'avait aucun droit sur l'artiste. Si j'ai bien compris ton histoire, Antonio, l'artiste ignorait cet amour qui s'était imposé tant de sacrifices pour venir jusqu'à lui. Tu as bien compris, Paolo. Cette femme n'avait pas encore osé se révéler à l'artiste. Alors il n'y a pas de coupable. La femme est à plaindre. Mais sa jalousie ne saurait inspirer que la pitié. L'heure était trop avancée pour continuer cette conversation. L'osteria se faisait déserte, et depuis longtemps tout dormait dans la ville. Les compagnons se levèrent pour ne pas prolonger plus longtemps cette veillée, et elle épuisait dans quelques heures de sommeil la force nécessaire aux travaux du lendemain. En se séparant sous les bords du fleuve, toutes ses mains jeunes et fraternelles s'unirent. « À quand la fin de ton histoire ?» demanda Giacomo à Antonio Vannozzi. « À bientôt, » répondit celui-ci. « J'attends une lettre de Venise et j'espère qu'elle y sera. » En rentrant dans le modeste logement qu'elle occupait, devant Saint-Jean de Latran, Antonia Vannozzi pensait à Raphaël, qu'elle aimait malgré son amour donné à une autre, à la Fornarina, qui lui avait fait connaître la jalousie, et aussi aux paroles de Paolo à l'Osteria delle Infanti. Incertaine, irrésolue, elle cheminait lentement, la tête inclinée sur sa poitrine, et quand elle s'endormit, son esprit fit revivre dans son sommeil toutes les images de sa veille agitée.